Rap, c'est franc. C'est là, frérot. Ouais. Va régler le truc tranquillement. Eh, que les femmes se rassurent. Les plus grosses salopes que j'ai connues sont des hommes. Y'a pas mal de rappeurs là-dedans. C'est de la génération, me lasse tout Scarface. Embrouillotier qui sont pour la substance, le pif, la fraîche. Et vers la keuf, loin des gouttes et de la crèche. J'suis prêt à crever pour mon adresse, la cité où j'crèche. Mais rien n'apprend, les rien à trop, faut que je les crève. Et la concurrence, je l'achève, je la baisse, je la dresse, je la crève. Avec son vieux rap de j'beb, c'est plus la France, c'est la Grèce. Ce son, c'est une dingue et sa mère. La photo rap, on a j'ri fine, les se fait à l'air, traumatisé. A peur de spliff pour aromatiser le speech. Vu que c'est la crise, on a que truc pour rentabiliser le bif. Tu connais la suite. Le truc arrive en bateau du rock, ma pure part en pillant jet vers la Suisse. On va tout grailler, y'a pas à choisir entre l'aile ou la cuisse. Le choix est vite fait entre l'oseille et l'altruisme. Refrain, c'est si pris sous terre. Et se trouve la terre promise, remballe tes foutées. Si t'es un show, faudra l'assumer dans la fournaise. C'est pas un film de Scorsese, c'est la street life, ok, des orfèvres. Il y a que l'oseille pour prendre son pied, je te jure sur la tête de mes orteils. La vie c'est mortel, un sacré bordel. On se fait découper comme dans Hostel sur un son triste comme le gospel. Gospel, moi je te fais du ça. Mais y'a pas de refrain, y'a pas de mélodie ou truc. T'as les putains, c'est brut. J'suis algérien, j'veux pas te faire c'est dans comme un cube, hein, pour que t'ailles baiser les putes. J'suis venu au monde et j'ai grandi avec les preuves que le pouvoir t'exécute. J'vais te foutre un triangle dans le cul. Si t'es un Illuminati, adorateur de Belzébuth. On sent la tape, paya les ch'tards qui te guettent dans la sequette. Font mal au crâne, mérite des coups de patte dans la tête. Si t'as pas de couilles et tu te la te baisses, c'est que t'es un te bête. Le truc c'est dévoiler les risques avant de partir en requête. Mais on est tous en état de jouissance, dissimulé derrière une putain de cachette. La part du gâteau, on en connaît la recette. L'argent c'est comme une renaissance, donc faut l'arracher avec les forceps. Un putain de système. Quand les neurones terrassent les biceps, je vois les types qui s'aiment. Y'a plus de trous de balles dans le pleura que sur le corps de 57. Les rien n'apprend, les rien à trop, faut je les crève. Et la concurrence, je l'achève, je la baisse, je la dresse, je la graisse. Avec son vieux rap de j'beb, c'est plus la France, c'est la Grèce. C'est plus la France sur la Grèce. Sur la tête de Nikos Aliagas. Esperanza à la prod.